Comme les bleus transparents des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. Tout ce qu'il y a d'amour et d'envie qu'on enferme, s'est libéré un jour pour lui donner des cernes. Des volcans sont en elle, dévorant ses entrailles. Elle est terre, elle est ciel, tendresse et représailles. Comme l'appel des rivières dans un désert salé, elle a les yeux si clairs qu'on voudrait s'y noyer. Elle a des yeux si durs qu'on lit à livre ouvert ses romans. Des lueurs occidentales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, farouche et résigné, insolent et soumis à l'instant de griffer. Elle a ouvert son lit, elle est sortie armée du cerveau d'un démon, on ne sait quelle année, au fond de quel bas-fond, les yeux encore brillants de tourments prophétiques, la marque dans le sang des délires sabbatiques. Au fil des longs sommeils, elle pleure tout en douceur, et le premier soleil la sort des profondeurs. Son regard surprenant pénètre comme un glaive, pendant que des torrents s'échappent de ses rêves. Elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. C'est un miroir sans teint où l'on découvre tout, des pitreries du nain jusqu'au fou rire du fou. Un gouffre satiné d'une fosse au serpent, un puits de vérité ou peut-être un néant.